Madame Bovary, première partie, chapitre 3. Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise, 75 francs en pièces de 40 sous et une dinde. Il avait appris son malheur et l'en consola tant qu'il put. « Je sais ce que c'est, disait-il en lui frappant sur l'épaule. J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. Je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises. J'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches, qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevées enfin. Et quand je pensais que d'autres, à ce moment-là, étaient avec leur bonne petite femme, à les tenir embrassées contre eux, je tapais de grands coups par terre avec mon bâton. J'étais quasiment fou, que je ne mangeais plus. L'idée d'aller seulement au café me dégoûtait. Vous ne me croiriez pas ? Eh bien, tout doucement, un jour chassant l'autre, un printemps sur un hiver et un automne par-dessus un été, ça a coulé brin à brin, miette à miette. Ça s'en est allé. C'est parti. C'est descendu, je veux dire. Car il vous reste toujours quelque chose au fond, comme qui dirait un poids là, sur la poitrine. Mais puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir. Et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Il faut vous secouer, monsieur Bovary, ça se passera. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Et elle dit comme ça que vous l'oubliez. Voilà le printemps bientôt. Nous vous ferons tirer un lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu. Charles suivit son conseil. Il retourna au Berthaud. Il retrouva tout comme la veille, comme il y avait 5 mois, c'est-à-dire. Les poiriers déjà étaient en fleurs, et le bonhomme Rouault, debout maintenant, allait et venait, ce qui rendait la ferme plus animée. Croyant qu'il était de son devoir de prodiguer au médecin le plus de politesse possible, à cause de sa position douloureuse, il le pria de ne point se découvrir la tête, lui parla à voix basse, comme s'il eût été malade, et même fit semblant de se mettre en colère de ce que l'on n'avait pas apprêté à son intention, quelque chose d'un peu plus léger que tout le reste, tel que des petits pots de crème ou des poires cuites. Il conta des histoires. Charles se surprit à rire, mais le souvenir de sa femme lui revenant tout d'un coup l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins à mesure qu'il s'habituait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures de ses repas. Rentrer ou sortir sans donner de raison, et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses 4 membres tout en large dans son lit. Donc, il se choya, se dorlota et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier, car on avait répété durant 1 mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur !» Son nom s'était répandu. Sa clientèle s'était accrue, et puis il allait au Berthaud tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. Il arriva un jour vers 3 heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches, sur la table, montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa. Elle insista. Et enfin lui offrit en riant de prendre un verre de liqueur avec elle.